إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال ابن عمر وإن رآها الناس حسنة أيها الناس لقد جاء في معالم التنزيل للإمام البغاوي رحمه الله تعالى عن أبي المنذر أبي بن كعب سيد القراء رضي الله تعالى عنه أنه قال إنه من آخر ما نزل من القرآن قوله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أبي بن كعب رضي الله عنه من الصحابي لليد دي ريسيتاتور كوم لا ايفوكي الامام الذهبي رحمه الله تعالى في سير اعلام النبلاء نو في بار دون سو دون ان دو سي بروبو كي رابورتي الامام البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره انه قال parmi les derniers versets qui ont été révélés du Coran le dernier verset de la sourate Tauba dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala vante les vertus de son noble messager Ali salatu salam par l'évocation de sa noble descendance, de son attachement, de sa solitude qu'il a pour sa communauté. Critères de qualité qui ne font qu'affirmer, qui ne font qu'appuyer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam « Ana sayyidu waladi Adam wa la fakhr » Je suis le plus noble de la descendance d'Adam et je ne m'en vante pas. Il est dit dans le verset précédemment cité « Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhim anittum al-ayah » Certes, un messager parmi vous vous est venu, dont sa descendance, son noble caractère ne vous est pas inconnu, car il est l'élu des élus. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم, إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة ومن قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit dans ce hadith authentique, Allah subhanahu wa ta'ala a élu Kinana parmi les enfants d'Ismaïl. Et de Kinana, il a élu Quraysh. Et de Quraysh, la tribu de Bani Hashim. Et de Bani Hashim, j'en suis l'élu. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Certes, un messager parmi vous vous est venu auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez. Il est plein de solitude pour vous, compatissant et clément envers les croyants, tels qu'un père et une mère, les pour ses enfants comme Kana. يقول الصحابة الكرام الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ورضوا عنه فداء وأمي أنت يا رسول الله. Les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم avaient pour habitude de dire lorsqu'ils voyaient l'attachement que le prophète صلى الله عليه وسلم avait pour eux, يا رسول الله, ta place auprès de nous est bien plus grande que celle de nos mères et nos pères. وصدقوا. C'est par solitude et compassion que le prophète صلى الله عليه وسلم a maintes fois conseillé sa communauté. C'est par solitude et compassion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est évertué à transmettre, comme se doit, le message, al-risala. C'est par cet énorme attachement, cette clémence qu'il avait pour cette communauté, qu'il veillait à ce que des assises, des rappels soient établis, afin qu'ils soient abordés les sujets, les rapprochant d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les mettant à distance de sa désobéissance. Comme a dit Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, أنه قال إني أتخول لكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى سلم يتخولنا بها متفق عليه. ابن مسعود nous dit dans ce hadith authentique, je m'applique à faire en sorte de vous rappeler comme le prophète صلى الله عليه وسلم نعم s'efforçait de le faire pour nous ou s'efforçait de le faire avec nous. Les prédications et les rappels du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient telles qu'il faisait couler les larmes, trembler les cœurs, rabaisser les têtes par humiliation pour Allah subhanahu wa ta'ala et des prenantes paroles qui étaient évoquées. Fa'an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu khadima rasulillah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam anahu qal خطب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم كثيرا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على فراشكم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد من غطوا رؤوسهم ولهم خنين. متفق عليه. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ce noble compagnon nous décrit l'une des prédications, l'un des rappels du prophète صلى الله عليه وسلم. Il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم prononça un serment tel que je ne l'avais jamais entendu. Il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم, si seulement vous saviez ce que je sais, vous auriez peu rigolé et beaucoup pleuré. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu nous dit, il n'est jamais survenu un tel jour pour les compagnons. Ils se couvrirent tous le visage en poussant des sanglots. هكذا كانت كلمة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم مؤثرة ويخوفهم بالله يذكرهم بلقاء الله مخاطبة تنزل الخطاب منزلة الشهود. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait tout lorsqu'il s'asseyait avec ses compagnons pour que ses paroles soient un profit pour eux. Au point même de faire de ses rappels un fait concret que leurs yeux pouvaient eux-mêmes constater, eux-mêmes témoigner. كما جاء ذلك عن الإمام المسلم عند الإمام المسلم عن أبي ربعي حمزة بن الربيع الأسيدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار كأنها رأي عين. Le compagnon Rib'i Abu Hanzal ibn Rabi' nous fait part dans ce hadith authentique rapporté par l'imam muslim que le rappel du prophète صلى الله عليه وسلم نعم au sujet de l'enfer et du paradis était tellement concret que c'est comme si leur regard pouvait en témoigner. Subhanallah. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثلكم كمثلي رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait part dans ce hadith authentique de la grande abnégation qu'il avait pour sa communauté à laquelle il était tellement attaché. Il dit, mon cas et le vôtre est semblable à une personne qui alluma un feu dans lequel les insectes de nuit se précipitent pour s'y jeter dedans, alors qu'en bien cet homme fait tout pour les repousser. Quant à moi, je fais tout pour vous épargner de l'enfer en vous retenant par vos ceintures, mais certains d'entre vous, hélas et malheureusement, m'échappe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam كان يقول أحذركم بالنار أنذركم بالنار حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait tout pour nous épargner de ce qui peut nous nuire. Il nous a mis en garde contre le feu d'une manière explicite, de la plus éloquente des façons, de façon de sorte que ces rappels, que ces prédications soient comme un fait concret que nos yeux témoignent. Mais malgré cela, quand même, une partie d'entre nous file entre ses doigts. Donc il incombe, barakallahu fikum, à chacun d'entre nous, qu'il soit da'i ou mad'ou, qu'il s'empresse à rechercher les asbab par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous préservera d'échapper d'entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa alamu waffaqani Allah wa iyyakum. ورحمنا الله وإياكم que parmi les asbab nous préservant d'échapper des mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour y tomber dans l'enfer, c'est le noble Coran. Le noble Coran, le rappel du noble Coran, كما قال الله سبحانه وتعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Il rappelle par le Coran ceux qui craignent ma menace. Cette ayah est une preuve évidente qu'il y a dans le Coran un remède, la solution nous préservant de la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'est autre que l'enfer. Car il y a dans la méditation de ces versets une prévention, une exhortation qui sont tous deux le sabab al-azam pour nous prémunir du feu de l'enfer. Bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Qala jalla wa ala wa kathalika anzalnahu qur'anan arabiya wa sarrafna fihi min al-wa'id la'allahum yattakuna aw yuhdithu lahum dhikra. C'est ainsi que nous avons fait descendre un Coran en langue arabe. Et nous avons multiplié dedans les menaces afin qu'ils craignent, afin qu'ils se préservent ou que cela provoque en eux un rappel. Les asbab, nous préservons de l'enfer, du feu de l'enfer. Walhamdulillah, ils sont nombreux. Parmi ceux-là, ma'rifatu shar bitafasilihi. Ma'rifatu shar bitafasilihi. Le fait de connaître le mal en détail, non pour s'y adonner, mais pour mieux s'en préserver. كما قال الشاعر أبو فراس الحمداني عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر يقع فيه. J'ai connu le mal non pour m'y adonner mais pour mieux m'en préserver, et celui qui ignore le mal forcément il tombera dedans. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله سبحانه وتعالى للملائكة السيارين فمما يتعوذون يعني الذين يتجالسون لله عز وجل فمما يتعوذون قالوا من النار قالوا من النار قال الله جل وعلا فهل رأوها قالوا لا قال الله سبحانه وتعالى كيف لو رأوها قالوا كانوا أشد منها فرارا وشد لها مخافة. تصح حديث قدسي apporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala interroge ses anges au sujet des personnes qui pour sa cause se sont rassemblées. Il dit, de quoi mes serviteurs demandent le refuge? Les anges répondirent, contre l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala dit, l'ont-ils vu? Ils dirent, non, wallah, ils ne l'ont pas vu. Allah azza wa jal dit, qu'est-ce qu'il en serait si jamais ils l'auraient vu, l'enfer? Ils dirent, certes, ils se seraient empressés de le fuir et l'auraient beaucoup plus craint. Il aurait beaucoup plus craint. Ce hadith Qudsi nous prouve clairement que connaître les choses par certitude, en détail, est une cause parmi les causes, naam, qui nous empressera de fuir cet enfer, de fuir tout mal, ou de se rapprocher de tout bien. Comme a dit l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala fi Tibyan, al-yaqin thalath, ilm al-yaqin, wa ayn al-yaqin, wa haqq al-yaqin. L'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit, il nous confirme que connaître les choses en détail fait partie de la certitude. Car la certitude, elle est de trois. La connaissance, la vue, le palpable que nos membres ressentent et que nos cœurs éprouvent. Alef al-Na'alam, ayol et khatun karam, que l'enfer, la demeure qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservée comme châtiment au kuffar, au mushrikin, au munafiqin, au mukadhibin al-yawmiddin. حاول وقود النار قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى يعني ceux qui ont acheté ou qui ont vendu les versets d'Allah سبحانه وتعالى pour un vil prix. قال الله جل وعلا فيهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار وقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. C'est versé où il est évoqué les variétés de personnes, mais les kuffar, les mushrikin, les munafiqin, ce sont eux à qui l'enfer est réservé pour y demeurer à jamais humilié. قال جل وعلا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. Seigneur, celui que tu fais pénétrer en enfer, tu l'as certes humilié. Wa qala jalla wa ala fa'tarafu bi dhanbihim fa suhqan li ashabi as-sa'ir. Ils ont reconnu leur péché, que soient anéantis les gens de l'enfer. Humilié à jamais jamais ils ne sortiront de l'enfer. Ils n'auront jamais même l'espoir de pouvoir en sortir. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, « Kalla la yumbadhanna fil hutama, wa ma adraka mal hutama, narullahi al-muqadah, allati tattali'u ala al-af'idah, innaha alayhim muqsadah, fi amadim mumaddadah. » Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset nous décrit l'espérance que tout damné de l'enfer perdra le jour où ils seront jetés dans l'enfer. Il dit, et qui te dira ce qu'est l'enfer, al-hutama, le feu attisé d'Allah subhanahu wa ta'ala, transperçant les corps pour y pénétrer les cœurs. L'enfer se renfermera sur eux en colonne étendue. L'imam Sa'ad rahimahullah ta'ala dit, ajoutez à l'humiliation des flammes dans lesquelles ils seront jetés éternellement, l'enfer se renfermera sur eux. Ils perdront tout espoir d'en sortir. Ils perdront tout espoir d'en sortir. Fi amadim mumaddada. Wa qala al-imam Qatada rahimahullah ta'ala, l'enfer se renfermera sur eux, ils ne verront ni la lueur d'une lumière et ni celle d'un éclairci. La superficie de l'enfer est une chose qui dépasse nos pensées. Elle sera traînée yawm al-qiyama par 4 milliards 900 millions d'anges. Par 4 milliards 900 millions d'anges dont nul ne connaît l'ampleur de l'un d'entre eux en dehors d'Allah Azza wa Jal. An ibn Mas'ud radiyallahu ta'anhu wa ardah anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam qal يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها رواه مسلم. Le prophète sallam nous dit, on fera venir l'enfer qui aura à ce jour-ci 70 000 reines. À chacune d'elles, 70 000 anges qui traîneront l'enfer. Subhanallah. Quant à sa profondeur, elle est tout aussi inimaginable, tout aussi inconcevable, tout aussi surprenante. Fa'an Abi Huraira رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استمع وجبة فقال أتدرون ما ذلك؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فقال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفة فهو يهوي فيها حتى انتهى إلى قعرها رواه مسلم. أبو هريرة nous étions auprès du prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il entendit un bruit. Il dit, savez-vous qu'est-ce que cela? Savez-vous qu'est-ce que ce bruit? Et ils disent, Allah et son messager sont plus informés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est une pierre qui a été jetée depuis 70 années. Elle n'a cessé de chuter jusqu'à ce qu'elle a atteint la profondeur de l'enfer. Quant au châtiment qui est réservé aux damnés de l'enfer, c'est le feu dans lequel ils brûleront pour éternité. Le châtiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé aux damnés de l'enfer, c'est pour cela que le châtiment du feu est une torture réservée particulièrement à Allah Azza wa Jal, car elle est un dur châtiment. Comme a dit Abu Huraira, قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النار لا يعذب بها إلا رب النار رواه البخاري. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit, il n'est permis qu'au Seigneur du feu, Allah Azza wa Jal, de châtier par le feu. Pourquoi? Parce que l'enfer est terrible. L'enfer est dur. Patienter sur l'enfer est une chose qui est quasiment impossible. Prends comme preuve ceux qui se sont jetés du 11 année de la tour du 11 septembre. Ils ont préféré se jeter dans le vide d'une hauteur, il y en a dépassant peut-être les 1000 mètres. Lakin, ils ont préféré cela que brûler dans l'enfer. Pourquoi? Parce que l'enfer est dur. L'enfer est un dur châtiment, et dure une preuve, une dure torture. Quant à l'intensité des flammes de l'enfer, elle est 70 fois plus ardente que tous les feux réunis de ce bas monde. Depuis que ce bas monde a été créé jusqu'au jour du jugement dernier. 70 fois plus fort ardent. Le professeur Allah sallam nous dit, le feu que vous prenez comme combustible n'est qu'à 70e de l'ardeur des flammes de l'enfer. N'est qu'à 70e de l'ardeur des flammes de l'enfer. Les flammes de l'enfer ne cesseront d'être attisées à chaque moment où elles seront affaiblies. Allah subhanahu wa ta'ala agrandira son ardeur. Qal Allah subhanahu wa ta'ala, kullama khabat zidnahum sa'ira. À chaque fois que ces flammes s'atténueront, on agrandira son ardeur. Et cela afin que les personnes de l'enfer savourent pleinement leur châtiment. Chaque fois que leur peau brûlera, chaque fois que leur peau sera consumée, une autre peau la remplacera pour qu'ils savourent éternellement leur châtiment. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Certes, ceux qui ont mécru au verset d'Allah à nos versets, bientôt brûleront en enfer. Chaque fois que leur peau sera consumée, nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent pleinement au châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala est aziz et hakim. Penses-tu que la peau à laquelle il fait allusion dans ce verset est semblable à celle qui couvre nos vulgaires os? Là, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme cela a été authentifié dans un hadith rapporté par Muslim, il dit la moulière des gens de l'enfer est semblable à la montagne de Hud. La cuisse des gens de l'enfer est semblable à la montagne de Berda, qui est une montagne qui est équivalente à celle de Hud. La superficie de sa place est semblable à la distance qui est entre Mecca Wakudaid, yani, qui est d'une distance de plus d'une demi-journée. La superficie de la place d'une personne de l'enfer est semblable à la distance qu'il y a entre Mecca et Qudayd. L'épaisseur de la peau des gens de l'enfer est de 42 coudées de diamètre. 42 coudées de diamètre. Yani, elle n'est pas semblable à la nôtre. Il est rapporté d'Abdullah ibn Amr qui dit si seulement les gens de l'enfer auraient été exposés aux gens de la vie d'ici-bas ou de ce bas monde, leur laideur aurait été telle qu'ils les auraient anéantis. Ils seraient morts à la vision de ces gens, de ces personnes-là, ils auraient tous péri, tous morts. Ces gens-là n'auront pour nutrition que le pire des aliments. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, la yusminu wa la yurni min jou, qui ni n'engraisse et qui ni n'apaise contre la faim. Ben, ils auront le plus infect, le plus ignoble des aliments. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, wa in yastarithu yurafu bima in kal muhli yashwi al wujuh, bi'sa sharab wa sa'at murtafaqa. Et s'ils implorent à boire, un métal fondu sera leur abreuvage, qui brûlera leur visage. Quelle mauvaise boisson et détestable demeure qu'ils auront. Wa qala jalla wa ala, wa yusqa min ma'in sadid, yatajarra'uhu wa la yakadu yusiru. Ils seront abreuvés d'une eau purulente, qu'ils s'efforceront d'avaler à petite gorgée. Mais c'est à peine si jamais ils peuvent l'avaler. Ils boiront cette eau à contre-gré, bien qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'auront pas d'autre choix que de boire cette eau purulente. Car s'ils la délaissent, le délaissement de cette eau est bien beaucoup plus dur que cette eau purulente qui brûle les visages. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa suquu ma'an hamima taqatta'a am'a'ahum, yani fi ashab an-nar, wa suquu ma'an hamima taqatta'a am'a'ahum. Ils seront abreuvés d'une eau brûlante qui leur déchira leurs entrailles. قال الله سبحانه وتعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. Ils ne goûteront ni fraîcheur ni breuvage, mais une eau brûlante et impure comme rétribution équitable de leur mauvaise œuvre. وقال جل وعلا حكاية عن أهل النار لأهل الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. Et lorsque les gens de l'enfer crieront aux gens du paradis, versez-nous s'il vous plaît un peu d'eau ou de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a rétribué, ils diront non, car Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit aux mécréants. Cette eau que certains, peut-être d'entre nous, yani la gaspillent, l'eau que certains d'entre nous délaissent pour d'autres boissons, l'eau par laquelle le jeûneur, pour couper son jeûne, avec laquelle il se rafraîchit et s'hydrate, yani elle ne sera pas accordée aux gens de l'enfer. فَكُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Il dit aux gens de l'enfer, aux gens qui s'adonnent à œuvrer comme les gens de l'enfer, mangez et jouissez pour un court instant, car viendra un jour où les plats des gens de l'enfer seront des épines. Kulu wa tamattahu qalila innakum mujrimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala laysa lahum ta'amun illa min dari' fa ta'am ahli an-nar. Ils n'auront d'autre nourriture que les plantes épineuses, la yughni wa la yusmin wa la yughni min jou', qui ni engraisse et ni apaise la faim. Et cela afin qu'ils ressentent le besoin d'en remanger pour mieux savourer leur châtiment, leurs sentiments. L'art de Zakoum sera la nourriture des gens des grands pécheurs, tel un métal fondu, na'am, qui bouillonnera dans leur ventre, dans les ventres des gens de l'enfer. Assoiffés, affamés, dans cet enfer, na'am, qu'ils auront pour éternité, ils seront jetés, yani le visage premier dans l'enfer. Le visage premier en enfer, comme قال الله سبحانه وتعالى. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. Il est dit dans ce verset, le jour où ils seront traînés en enfer par leur visage, on leur dira goûter au contact du sakar, qui est la chaleur brûlante de l'enfer, qui est la chaleur brûlante de l'enfer dans lequel jamais ne trouveront la tranquillité, jamais ne trouveront na'am, ar-rahma, wala al-karama, wala al-bard, wala al-salama. Que l'enfer, ils ne trouveront que le châtiment dur et la torture dure. Aucune parole douce, aucune douceur ne leur sera adressée. Au contraire, des paroles dures leur sont adressées, ils se maudiront les uns les autres, seront mécréants les uns les autres, s'insulteront les uns les autres, se désavoueront des œuvres des uns et des autres, et s'acharneront, auront une âme d'une dureté, yani envers les uns les autres. Wallah subhanahu wa ta'ala hatta, yani rahmata, yani arhamar rahimin, alors sera pas accordé. Comme قال الله سبحانه وتعالى, قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون, soyez humiliés et ne m'adressez pas la parole. Telle sera, yani, la douceur qu'ils trouveront en enfer. Soyez humiliés et ne m'adressez pas la parole. Où ils trouveront la rahma? C'est arhamar rahimin, leur demande pas qu'ils ne l'adressent pas la parole. Abadan, ils trouveront la rahma. Wala karama, wala sarama, wala barda, wala salama. Naam. Ils n'auront que pour sentiment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fadouku falan nazidakum illa azaba. Fadouku falan nazidakum illa azaba. Allah subhanahu wa ta'ala leur dira, pour les réconforter, savourez, nous n'ajouterons pour vous que du châtiment. Qala imam Sa'd rahimahullah ta'ala, ce verset est la menace et le châtiment le plus dur qui est adressé aux gens de l'enfer. Car, comme yani, le Coran et le Hadith l'ont décrit, la torture de l'enfer est dure. Et cette torture ne cessera de s'amplifier. Voilà pourquoi sera ce verset-là, na'am, est le plus dur, na'am, des châtiments. Le plus dur des châtiments qui a été adressé aux gens de l'enfer. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous épargne de l'enfer ou qu'il nous éloigne des œuvres nous obligeant à l'enfer. En espérant, incha'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala placera dans cette kalima et dans celle des prédicateurs des gens de la sunna un rappel qui provoquera l'espérance et la peur dans leur cœur, par laquelle, yani, incha'Allah, ils trouveront, yani, la chose pour se prémunir de l'enfer. Wa kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, man khafa adlaj wa man adlaja dakhala al-manzil, rawahu Abu Daoud wa sahahu al-Imam al-Albani rahimahullah ta'ala. Celui qui craint se met en route, et celui qui se met en route atteindra sa destination. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala bimanni wa karamih an yuwaffiqana wa iyyakum limardatihi wa yajnibana al-fitana ma dhahara minha wa ma batan wa jazakumullahu khayran ala al-hudur wa al-sabr wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanaka allahumma bihamdik la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.